danser. Elle se pétait les des bras croisés. Quand on fait ça au pâté, gardez, gardez. Y'a qu'à faire la guerre pour briser l'autre. Mais jamais accepter la vérité. Et son j'ai dit ma note. Mon Dieu, peux pas laisser y'a faire. Bon Dieu, peux pas laisser y'a faire.